Chapitre 20e. La maison d'André, récemment aménagée en vue de l'installation du jeune couple, était un lit modeste, mais d'une modestie qui n'excluait pas l'élégance. Les époux y trouvèrent toutes les recherches utiles du confort moderne, et André, plein d'ardeur et d'espoir, se promit de travailler avec acharnement afin de donner à sa femme un peu de luxe réel. Le quatrième jour après leur mariage, Florence, envoyée la veille à Paris pour chercher différentes choses appartenant à sa maîtresse, revint vers l'heure du déjeuner avec plusieurs paquets qu'elle porta dans la chambre de Rose. Le repas terminé, celle-ci rentra chez elle, pendant que juste André lisait le journal, comme il le faisait d'habitude, et elle ouvrit l'une après l'autre les boîtes diverses qui couvraient les meubles. Elle en parcourait le contenu avec impatience et ne s'arrêta que lorsqu'elle eut dénoué le ruban qui attachait un paquet de lettres assez volumineux. « Enfin !» dit-elle en décachetant rapidement les enveloppes et en lisant des yeux le contenu des billets accumulés à son nom depuis son départ de l'hôtel. Il y avait un peu de tout. Déclarations passionnées, signes de noms connus sur le boulevard, plaintes amères de directeurs qui se disaient joués, questions indiscrètes de reporters en quête de détails, une lettre de Max qui demandait des explications pour son journal au sujet de cette fugue nouvelle. Le tout, par les dates, se rapportait aux quelques jours qui avaient suivi le retour à Chartres. Depuis, plus rien. Rose Rosier semblait morte pour la seconde fois. Son mari la surprit au milieu de ce dépouillement de correspondance et fronça légèrement les sourcils devant ces lettres que le facteur n'avait point apportées. « Qu'est-ce que tout cela ? » demanda-t-il avec une teinte de raillerie. « C'est Florence qui vous amène cette inondation de feuilles volantes ?»« Précisément, » fit Rose en repliant négligemment deux ou trois lettres qu'elle mit de côté. Elle froissa les autres dans ses mains et en fit une boule qu'elle jeta dans la cheminée sans feu. André la regardait silencieux. « Qu'allez-vous faire ?» lui demanda-t-il pourtant, en la voyant se diriger vers son petit bureau. « Répondre !» dit-elle avec un sourire charmant. Il ne disait rien, mais ce silence impliquait un blâme. « Il faut bien liquider le passé, » ajouta-t-elle plus sèchement. « Sans doute, » dit-il, « puisque vous le trouvez nécessaire. » Il sortit là-dessus sans hâte et sans humeur. Mais Rose sentit qu'il n'était pas content. Attirant à elle son buvard, elle écrivit deux lettres, l'une au directeur du théâtre avec lequel elle avait conclu un engagement, non encore signé d'ailleurs au moment de son départ, l'autre plus longue et plus amicale à Max, où elle lui expliquait sa résolution de quitter la scène. Dans toutes les deux, elle faisait brièvement mention de son mariage. Quand elle eut terminé, elle appela Florence et l'envoya porter ses lettres à la poste, puis elle retourna au salon. Son mari ne s'y trouvait pas. Elle le chercha et le trouva dans son cabinet où il travaillait assidûment. Il leva les yeux en la voyant entrer, mais sans quitter sa plume. Elle s'approcha et posa ses beaux bras blancs qui sortaient à demi des manches de son peignoir sur le dossier du fauteuil de cuir. « Nous ne faisons pas de visite aujourd'hui ?» dit-elle de sa voix musicale qu'elle savait moduler à plaisir. « Si vous le désirez, » répondit brièvement André. « Moi, pas précisément. Vous savez, mon ami, que j'ai peur de vos dames chartraines. Elles m'ont fait des yeux si épouvantables le jour de notre mariage. » Il ne s'en souvenait que trop. Cependant, il sourit sans se retourner. Elle se pencha un peu plus vers lui et ses cheveux effleurèrent la joue du jeune homme. « Mais avec toi, juste, » reprit-elle plus bas, « je n'ai peur de rien. Quand tu me donnes le bras, je puis marcher le front haut. » Grisé, quoi qu'il en fût, par le faible parfum qui se dégageait d'elle, il tourna un peu la tête. Ses lèvres rencontrèrent le cou blanc et délicat de la jeune femme sur lequel elles s'attachèrent longuement. Elle se retira, frissonna, passa la main sur son cou en riant, puis se pencha encore et lui rendit son baiser. « Allez vous habiller, ma chérie, » dit André, subjugué. « Bon gré, mal gré, il faut bien que ces dames qui vous ont fait peur vous rendent les armes et vous proclament adorables. » Elle s'envola, légère comme un sylphe. Sur le seuil de sa chambre, elle se retourna pour envoyer un baiser du bout des doigts à Juste qui la regardait, puis elle disparut. Quand elle eut refermé la porte, il posa sa plume en soupirant. Oui, elle était adorable. Quel malheur que le préjugé, si victorieusement terrassé par lui, se releva vainqueur, comme une hydre plantureuse, dont chaque maison honorable de la ville hébergera une tête. Quand il sortait à pied, se donnant le bras, tous les yeux du boulevard les suivaient, invisibles, cachés derrière ces rideaux de mousseline, impénétrables du dehors, et qui laissent tout voir du dedans. Que pouvait-on dire ? que Madame André était trop jolie. Ce n'était pas sa faute. Elle ne mettait plus ni rouge ni blanc. Sa toilette, très riche en réalité, paraissait d'une extrême simplicité. Sa démarche était parfaite, sa tenue irréprochable. Cela n'empêche pas qu'elle était actrice et que tout le monde ait pu la voir pour de l'argent, ripostait les rigoristes. Est-ce que ça peut l'empêcher d'être une honnête femme ? Reprenaient les admirateurs de Rose. La ville se trouvait divisée en deux camps, fort ennemis, et bien des paroles aigres-douces furent échangées pendant cette journée et les deux autres qui la suivirent. Mais le camp des rigoristes perdait du terrain à chaque visite faite par Rose. Elle sut mettre tant de politesse, de tact, de déférence dans sa manière d'agir. Elle sut si bien se concilier la compassion des vieilles femmes et la sympathie des jeunes qu'en 3 fois 24 heures elle conquit la ville entière, sauf 2 ou 3 récalcitrantes, parmi lesquelles Madame Brun, qui se montra intraitable. « On ne m'ôtera jamais de la tête que cette femme-là se moque de nous, » dit-elle à Claire Langlois, qui essayait de la ramener à de meilleurs sentiments. « Son mari ne le lui permettrait pas, » répondit la douce créature, indignée de cette supposition. « Vous figurez-vous qu'il le sache ?» répliqua vertement Madame Brun. « Il me semble, » insista Claire, en regardant sa sœur pour demander du renfort, « que dans le mariage, il est bien difficile de se cacher ce que l'on pense. « Agneau !» murmura l'irascible épouse de Marcel avec un regard de profonde pitié. « C'est madame votre maman qui vous a élevé dans ces idées-là. Elle a bien fait, car ça vous épargnera des chagrins, tant que vous aurez confiance. » « Madame Brun est un peu misanthrope, » expliqua Claire à Marguerite pendant qu'elle regagnait leur logis. Marguerite ne dit rien. Elle n'avait jamais été bavarde, mais depuis quelques jours, elle se montrait plus silencieuse que jamais. Quelques jours plus tard, en parcourant son journal, les yeux d'André tombèrent sur la rubrique théâtre et le nom de Rose attirant son attention, il lut avec une surprise qui se changea vite en colère. Une étoile vient de disparaître du ciel théâtral. La charmante Rose Rosier, qui pendant près d'une année, à la suite d'un accident dangereux qui fit grand bruit dans le monde, avait passé pour morte, a rompu inopinément ses engagements presque terminés avec la direction d'une de nos principales scènes pour contracter des liens plus durables. Elle ne jouera plus pour personne. Son époux, M. Juste André, a fait de ce renoncement une condition de ce mariage. « Qui a pu se permettre ?» dit Juste, pâle d'indignation. « J'espérais que mon nom, au moins, serait respecté. »« On vous attaque ?» fit Rose en saisissant la feuille à travers la table. Elle lut, relut, et déposant le journal. « Que trouvez-vous là de blessant ?» dit-elle avec surprise. « Mais la chose en elle-même l'est assez, je crois. » Puis-je permettre qu'on parle sur ce ton léger de ma femme et de moi-même? Et cette condition, qui a pu la faire connaître? Vous l'avez donc communiquée à quelqu'un? Moi? Non, fit Rose en toute sincérité. J'ai écrit, en effet, que depuis mon mariage, j'étais décidé à abandonner le théâtre. Mais je n'ai pas prétendu que ce fût une condition. Il ne fallait rien dire, s'écria Juste exaspéré. Qu'y a-t-il de commun entre ces gens-là et nous deux? Le silence se serait fait de lui-même. « Vous avez tort d'écrire. »« Et vous, répliqua Rose, vous avez tort de ne pas me prévenir qu'en vous accordant ma main, j'abdiquais toute personnalité, toute existence propre, et que je n'agirais plus que sous votre inspiration, selon votre bon plaisir. »« Il n'est pas question de cela, » fit Juste avec un mouvement d'humeur mal déguisé. « Mais dans le mariage, on se consulte et vous... »« Soit, » dit Rose d'un ton sec, « dorénavant, je vous consulterai. » C'était un moyen de terminer la discussion, à moins de faire preuve d'une ténacité particulière. Juste devait se tenir pour battu. C'est ce qu'il fit. Rose n'était bonne comédienne qu'au théâtre. Dans la vie privée, elle avait des révoltes d'orgueil qui devenaient de la sincérité, bien que la sincérité n'en fût pas le mobile. Elle n'était pas menteuse, d'ailleurs, et la dissimulation que son mariage lui imposait vis-à-vis du docteur Langlois était pour elle une contrainte telle que ses nerfs, déjà violemment surexcités, en souffraient cruellement. Elle avait voulu braver Langlois. Elle n'avait pas songé qu'il lui faudrait le voir chaque jour et prendre vis-à-vis de lui-même et des siens un ton de familiarité aisée qu'exigeait à la fois les anciennes relations de son mari et les services que le docteur lui avait rendus à elle-même, services qui se trouvaient maintenant connus de toute la ville. Le mystère s'était éclairci. On savait que le docteur avait miraculeusement guéri Mademoiselle Rosier et que par dévouement pour André, car telle était la légende, il avait gardé le silence jusqu'au jour où la santé de la malade, pleinement rétablie, avait permis de procéder à un mariage décidé en principe bien longtemps auparavant. Langlois, assailli de questions de tous côtés, répondait de son air froid toujours la même chose. Pas une seule fois on ne put le prendre en défaut. Aussi sa version devint-elle un article de foi et personne n'eut l'idée de soupçonner la vérité. Souvent, dans les dîners et les soirées qui furent données en leur honneur, les nouveaux mariés rencontrèrent le jeune médecin, qui était généralement estimé et prisé en raison même de sa froideur apparente. La légende romanesque de l'amour d'André fut évoquée en leur présence. Chose étrange, l'ingénieur avait fini par y croire. Le trouble des derniers mois avait laissé en lui quelque chose de confus. Tout cela ressemblait si fort à ce qu'il eût désiré, qu'il ne s'imaginait pas confirmer un mensonge lorsqu'il approuvait du sourire et du geste les détails fantastiques de cette aventure. Rose savait mieux à quoi s'en tenir. Un soir, après avoir dit des vers pour faire plaisir à ses hôtes, André lui permettait cela car les dames et les messieurs de la meilleure société récitaient souvent de petits poèmes. Rose était restée accoudée à la cheminée, lieu classique de ses ébats littéraires. Une vieille dame, plus vénérable qu'intelligente, eut l'idée de lui demander ce qu'elle avait pensé quand le docteur Langlois était venu la chercher à Tours après son accident. Un grand silence se fit autour de cette phrase malencontreuse, et tous les yeux se portèrent alternativement de la jeune femme au médecin, placés chacun à une extrémité du vaste salon. Instinctivement, ils échangèrent un regard, chacun craignant ce que pouvait dire l'autre. Que de pensées et de souvenirs dans cet éclair de leurs yeux. Rose devait répondre pourtant. Elle sourit, et d'un air tranquille. « Je n'ai rien pensé du tout, » répondit-elle. « J'étais hors d'état de comprendre quoi que ce soit. » « Mais quand vous êtes revenu au sentiment, » insista la dame, fidèle à sa réputation de maladresse déjà ancienne et bien établie. « Que pourrais-je éprouver ?» reprit Rose avec un sourire ému, qui éclaira soudain son visage d'une lueur attendrie. « Sinon une gratitude profonde pour l'homme qui m'avait sauvé la vie. » Un murmure de satisfaction, semblable au bruit des applaudissements, salua à cette phrase. La jeune femme tourna la tête du côté de son mari, comme pour lui dire d'achever sa pensée. Il souriait aussi, mais le docteur se contenta d'incliner la tête en signe de remerciement. « Quel ours que ce Langlois !» fit une dame sentimentale à sa voisine. « C'est un homme de bronze, » répondit celle-ci. « Rien ne l'ébranle. » En sortant avec les autres invités, Rose se trouva séparée de son mari, qui causait avec un ami. Langlois se trouvait tout près. Elle prit son bras, qu'il ne put refuser, et fit quelques pas en avant. Depuis le jour de son mariage, où, sur les instances d'André, il avait accepté d'être leur témoin, elle ne l'avait jamais vu seule pour une minute. « Voilà ce que vous avez conclu, » lui dit-elle à voix basse. « Êtes-vous content ?»« Si vous êtes satisfaite, » répondit-il d'un ton indifférent. « Vos amis n'ont qu'à se réjouir. Mes amis, dites ceux d'André, ce sera plus juste. »« Je ne sais pas, » dit-il ironiquement, « si les amis d'André doivent si fort se réjouir. Il ne me semble pas que ce soit absolument pour son bonheur que vous l'avez épousé. » « Ah !» fit-elle avec amertume en quittant son bras. « À coup sûr, ce n'est pas non plus pour le mien. » Elle rejoignit son mari et s'appuya contre lui avec une câlinerie enfantine. Par moments, une grande lassitude la prenait et elle cherchait un soutien. André se trouvait là, elle s'adressa à lui et lui, reconnaissant, serra sur sa poitrine le bras de la femme qu'il aimait.